Élisée Reclus, voyage à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe, paysage de la nature tropicale. Préface. En 1855, un projet d'exploitation agricole et surtout l'amour des voyages m'a mené dans la Nouvelle-Grenade. Après un séjour de 2 ans, je revins sans avoir réalisé mes plans de colonisation et d'exploration géographique. Cependant, malgré mon insuccès, je ne puis assez me féliciter d'avoir parcouru cette admirable contrée, l'une des moins connues de l'Amérique du Sud, ce continent si peu connu lui-même. Aujourd'hui, l'homme promène son niveau sur les plaines et les montagnes de la vieille Europe. Il se croit de taille à lutter victorieusement contre la nature et veut la transformer à son image en régularisant les forces impétueuses de la terre. Mais il ne comprend pas cette nature qu'il cherche à dompter. Il la vulgarise, il l'enlaidit et l'on peut voyager pendant des centaines de lieues sans voir autre chose que des parcelles de terrain découpées à angle droit et des arbres martyrisés par le fer. Aussi, quelle joie pour l'Européen de pouvoir admirer une terre jeune encore et puissamment fécondée par les caresses brûlantes du soleil. J'ai vu l'antique chaos à l'œuvre dans les marécages où pullule sourdement toute une vie inférieure. À travers d'immenses forêts qui recouvrent de leur ombre des territoires plus grands que nos royaumes d'Europe, j'ai pénétré jusqu'à ces montagnes qui se dressent comme d'énormes citadelles au-dessus de l'éternel été et dont les créneaux de glace plongent dans une atmosphère polaire. Et cependant, cette nature si magnifique où l'on voit comme un résumé des splendeurs de toutes les zones m'a frappé moins que la vue du peuple qui se forme dans ces solitudes. Ce peuple est composé de groupes encore isolés communiquant à grand-peine à travers les marécages, les forêts et les chaînes de montagnes. Son état social est encore très imparfait. Ces éléments épars sont dans la première effervescence de la jeunesse, mais il est doué de toutes les forces vives qui donnent le succès, car il a réuni en un faisceau les qualités distinctives de 3 races. Descendant à la fois des Blancs d'Europe, des Noirs d'Afrique, des Indiens d'Amérique, il est, plus que tous les autres peuples, le représentant de l'humanité qui s'est réconciliée en lui. C'est donc avec joie que je me tourne vers ce peuple naissant. J'espère en lui, en ses progrès, en sa prospérité future, à son influence heureuse sur l'histoire du genre humain. La République grenadine et les républiques ses sœurs sont encore faibles et pauvres, mais elles compteront certainement parmi les empires les plus puissants du monde et ceux qui parlent avec mépris de l'Amérique latine et ne voient en elle qu'une proie des envahisseurs anglo-saxons ne trouveront un jour pas assez d'éloges pour chanter sa gloire. Les flatteurs se tourneront en foule vers le soleil levant. Qu'il me soit permis de les devancer en célébrant les premières lueurs de l'aube. Quelle ne serait pas la prospérité de l'Europe si la question des nationalités était enfin résolue, si tous les peuples faits pour être libres étaient en effet libres et indépendants les uns des autres? Eh bien, cette question redoutable, pleine de sang et de larmes, qui nous tient tous haletants dans l'angoisse, cette question qui fait aiguiser tant de baïonnettes, fondre tant de boulets, et mettre sur pied des millions d'hommes armés n'existe même pas dans l'Amérique méridionale. Sauf quelques tribus d'Indiens qui seront facilement absorbées comme l'ont été déjà des millions d'aborigènes, toutes les sociétés hispano-américaines appartiennent à la même nationalité. Ces républiques du Sud, qu'on ne cesse de citer comme un exemple de discorde, sont au contraire les États les plus rapprochés du calme et de la paix. Elles ne sont plus divisées que par des faits d'intérêt local, et des routes feront plus pour leur réconciliation que des guerres meurtrières. Les Hispano-Américains sont frères par le sang, par les mœurs, par la religion politique. Tous, sans exception, sont républicains. Tous tiennent du blanc par l'intelligence, de l'Indien par l'indomptable esprit de résistance, de l'Africain par la passion et ce tendre génie qui, plus que tout le reste, a contribué à marier les trois races pendant de longs siècles d'élaboration. Il n'y a point d'Alpes ni de Pyrénées dans l'Amérique du Sud. Des frères habitent sur les deux versants des Andes. Le continent de l'Amérique du Sud offre une simplicité de contour et de relief qui s'accorde parfaitement avec sa destinée. Il est un, comme la race qui le peuple en partie. Triangle immense, bien plus grand que notre continent d'Europe, il n'a point de presqu'île hardie ni de baie profonde. Ses côtes s'allongent uniformément depuis la zone torride jusque dans les froides et brumeuses mers boréales. Traversée dans toute sa longueur par une arête de montagne presque droite et semblable à une épine dorsale, il est arrosé par les plus beaux fleuves de la terre, coulant tous dans la même dépression et se ramifiant avec une aussi parfaite régularité que les artères d'un corps organique. Évidemment, ce continent a été fait pour servir de berceau à une seule et même nation. Cette nation qui commence compte déjà plus de 20 millions d'hommes appartenant tous à la même race, dans laquelle se sont fondus, comme en un creuset, tous les peuples de la terre. Quand l'ancien monde, surchargé de population, enverra ses enfants par millions dans les solitudes de l'Amérique du Sud, le flux de l'émigration troublera-t-il cette union des races qui s'est accomplie déjà dans les républiques hispano-américaines, ou bien la population actuelle de l'Amérique méridionale sera-t-elle assez compacte pour réunir en un même corps de nation tous les éléments qui lui viendront du dehors? Cette dernière alternative, qui nous semble la seule probable, entraîne la réconciliation finale de tous les peuples d'origines diverses et la naissance de l'humanité à une ère de paix et de bonheur. Pour un état social nouveau, il faut un continent vierge. Et quel rôle est destiné à la Nouvelle-Grenade dans l'histoire future du continent? Si les nations ressemblent toujours à la nature qui les nourrit, que ne devons-nous pas espérer de ce pays où se rapprochent les océans, où se trouvent superposés tous les climats, où croissent tous les produits, où cinq chaînes de montagnes ramifiées en éventail créent une si merveilleuse diversité de sites? Par son isthme de Panama, il servira de halte et de rendez-vous aux peuples de l'Europe occidentale et à ceux de l'Extrême-Orient. C'est là, ainsi que le pressentait Christophe Colomb, que viendront se souder les deux extrémités de l'anneau qui entoure le globe. Je ne le cacherai point. J'aime la Nouvelle-Grenade avec autant de ferveur que ma patrie natale, et je serai heureux de faire connaître à quelques-uns ce pays admirable et plein d'avenir. Si je pouvais détourner vers cette contrée une petite partie du courant d'émigration qui entraîne les Européens, mon bonheur serait grand. Il est temps que l'équilibre s'établisse entre les populations du globe et que l'Eldorado cesse enfin d'être une solitude. Élisée Reclus, 14 janvier 1861.